magasin Auchan, bienvenue. Cette semaine, nous avons au rayon des conserves de la sauce tomate à prix réduit, deux pots pour le prix d'un seul. Si vous regardez bien au rayon charcuterie, vous pouvez acheter de la farce à saucisse qui est au prix de 2 euros le kilo. Et un petit peu plus loin, au rayon pharmacie toilette, vous avez des cotons-tiges. Bienvenue dans votre Auchan. Profitez-en toute la journée. C'est absolument incroyable.